I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go? Ce fut en 1982 le sublime dilemme des Clash. Alors qu'aujourd'hui, la question c'est plutôt, faut-il le rejouer ce match ou pas? Eh bien, vendredi après-midi, Thierry Henry a proposé de rechausser ses crampons. TF1 retransmet, la crise sera cardiaque dans les foyers français. C'est moi qui arrache la qualification. Je marque de la main et empoche le pognon. Ce soir, je vous mets de l'huile sur le feu. Oui, c'est vrai que de la pogne au pognon, il n'y a qu'un petit on. Enfin bon, à 11h12... mieux vaut maintenant se vautrer confortablement afin d'ouvrir ce 180e épisode du Mangin Palace et amorcer ensemble nos modestes aventures laïques, puisqu'il est l'heure, bien sûr, de notre petite session freudienne. Et aujourd'hui, dans la gibecière des actualités politiques de Monsieur Divan Beaujolais, nous allons croiser un voyage présidentiel bidon, puis une grosse indigestion de bifton et enfin une mauvaise mayonnaise à la moutarde de Dijon. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Pour François Fillon, le congrès des maires avait tout d'un piège. Non, laissez-le, je vais m'en occuper. 4000 élus, souvent inquiets, voire en colère, une salle chauffée à blanc par les intervenants précédents. Si tu me fais une entourloupette, je te pète la gueule. Écoutez, si vous acceptez d'écouter la démonstration que je vais vous faire, à l'issue de cette démonstration, vous pourrez naturellement exprimer votre approbation ou votre désapprobation. C'est clair comme la boue du Gange, votre combine. Sur la forme, François Fillon a été plus technique que politique, ennuyeux parfois, mais jamais polémique. Et quand je suis tout seul, je radote encore plus. De l'anti-Sarkozy, Zoltan, en quelque sorte. Et où est-il maintenant, là? Tu le sais? Nicolas Sarkozy est en voyage semi-privé en Arabie Saoudite et au Qatar. Oui, et pendant ce temps-là, il n'a pas pu se rendre au congrès des maires de France. Tu ne vas pas me dire que tu es surpris? Avouez, on l'a tous fait un jour, ce coup-là. Je peux pas, j'ai piscine. Quoi? Non! Ou plus incontournable, je peux pas, j'ai dentiste. Une petite intervention. De rien du tout. Quand on veut éviter une corvée, le voyage en Arabie Saoudite et au Qatar de Nicolas Sarkozy, ça ressemble fort à un joli « je peux pas, j'ai dentiste politico-diplomatique ». Waouh, on commence très fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette opération publicitaire samedi matin à Paris qui a tourné au fiasco. Vous trouvez ça bizarre? Pour se faire un gros coup de pub, la société Mailorama avait promis de distribuer comme cela au public 5000 enveloppes remplies de 5 à 500 euros. C'est tout simplement scandaleux! Mais face à l'affluence et à la tension qui montait, la société a finalement annulé. Évacuez ces messieurs, dames. Vitrine cassée, voiture retournée, CRS pris pour cible. Oh, je saurai qui nous a fait ça. Le fondateur de ce groupe s'appelle Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Vous savez combien coûte le pain? Vous savez combien il y a de pauvres dans le monde? Il pèse 57 millions d'euros. Rigole bien parce que tu vas bientôt pleurer ta mère. Son groupe est coté en bourse depuis fin 2006. Carrément dégueulasse, hein? Jean-Marie Messier, l'ancien président de Vivendi Universal, et l'ancien ministre Alain Madelin siègent à son conseil d'administration. Si, carrément dégueulasse, faut le dire. Il vient de rebaptiser la holding personnelle avec laquelle il possède 57% de son groupe. Elle s'appelait encore récemment Golden Glaoui Invest. couille en or, en argot. Avoue que là, il y a de quoi gerber, hein ? Le divorce paraît consommé au Parti Socialiste entre Ségolène Royal et son ex-lieutenant Vincent Payon. Ça va être du rail de rester là-dedans. En jouant les invités surprises à Dijon au rassemblement organisé par Payon et ses amis, Ségolène Royal a déclenché la tempête avec rappel à l'ordre et attaque en règle. Il y a toujours du spectacle. On parle, c'est ce qu'elle a souhaité, de bisbille entre socialistes. Mmh. C'est lamentable et ça tire vers le bas et je pense que ça nous amène à une conclusion. Ségolène Royal ne pourra pas nous faire gagner en 2012. On peut envisager ça dans une autre vie ? Donc évidemment, quand j'arrive dans les réunions publiques où je suis applaudie, accueillie, chaleureusement embrassée, photographiée, ça dérange peut-être. Et peut-être quand elle pète, ça sent les chrysanthèmes. La présidente de Poitou-Charentes a en effet annoncé qu'elle débarquait son ex-lieutenant de son courant Espoir à gauche. Pas question de se laisser congédier par Madame Royal, a répondu l'intéressé. Martine Aubry, elle refuse de descendre dans l'arène. Moi, je préfère plutôt voir les socialistes qui aujourd'hui travaillent. Fin de citation. Mais vous devriez essayer. Il y a des gens qui arrivent parfois à se réformer en profondeur. Se réformer en profondeur. Voilà des lustres que le Parti Socialiste n'y parvient pas. Et d'ailleurs, le week-end dernier à Dijon fut un nouvel épisode de cet échec pathétique. Néanmoins, pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé en Bourgogne, il faut absolument revenir ici sur les coulisses de ce fiasco. Vois-tu, consciente des chamailleries mesquines entre les leaders de son parti, Martine Aubry a pris la décision de confier à Vincent Payon le soin d'organiser une rencontre en région, loin de Paris, entre les socialistes et certains partenaires électoraux potentiels comme le Parti communiste, les Verts et même le Modem, dis donc. Mais Aubry avait imposé une condition ferme, aucun présidentiable ne devait être présent afin de privilégier les discussions de fond. Seulement voilà, Ségolène Royal était persuadée qu'elle serait invitée, bien sûr. D'ailleurs, elle avait même pris conseil auprès de Christine Taubira pour préparer sa venue à Dijon. Bleu ou rouge ? Tu me conseilles de mettre mon ensemble bleu ou ma robe rouge ? Tu ne peux pas venir. Désolée. Allez, à quoi bon tourner autour du pot ? Quoi ? Je suis plus invitée ? Elle n'a rien contre toi. Elle craint que certains n'apprécient pas de dîner et de sympathiser avec les employés. Elle nous traite d'employés ? Oh, ce n'est qu'une petite fête. Je te garderai une part de gâteau. Non, c'est pas qu'une petite fête. C'est le début de la saison des mondanités. Si on fait pas partie des invités, on sera invité nulle part. Et ce sera le début de la dégringolade. Fini les belles robes de soirée. Je m'habillerai plus qu'en jogging. Eh oui, c'est parce qu'elle a la trouille de finir en jogging que Madame Royal tenait absolument à se pointer à ce meeting. Que veux-tu ? Les lumières de la célébrité sont des drogues dures. Toujours est-il que Martine Aubry fut intraitable, hors de question que Ségolène débarque à Dijon. C'est ainsi que samedi matin, les seconds couteaux des différentes formations politiques sont arrivés en Bourgogne, accueillis par François Rebsamen, le sénateur-maire socialiste de la ville, qui présenta malicieusement Dijon à ses hôtes. Pour le voyageur qui retrouve Dijon après quelque absence, cela saute aux yeux. La ville change. Dijon la verte avec ses coulées d'arbres, de pelouses et de parterres. Dijon la verte, Dijon la rose et blanche, toute glorifiée par son passé, riche de son présent, tournée vers son avenir. En même temps que la Bêche et le Sarcloire qui vont faire de la capitale de la Bourgogne l'une des premières villes écologiques de France, les Dijonnais vont donc se mettre à manier la pioche, la truelle et le pinceau. Oui. À Dijon, on est venu pour bosser. Et en plus, c'est une ville polychrome. On y trouve du vert, du rose, du rouge. Et si on cherche un peu, on doit sûrement dénicher un peu d'orange. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour que les responsables des différents partis politiques puissent trouver un terrain d'entente pour amorcer des discussions de fond et proposer enfin une alternative crédible à Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, très vite, dès la fin de la matinée, Vincent Payon, l'organisateur de cette réunion, confie à ses collègues socialistes que, franchement là, avec leur nouveau partenaire, quelque chose de fort est en train de naître. T'as quelque chose de fort, eau de vie, ou on commence à s'emmerder ferme. Si je ne fais pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Ils en sont à l'immobilier, là. Pourquoi investir dans la pierre ? Combien on gagne en 5 ans ? Les réductions d'impôts ? Ça peut me foutre, moi, j'ai pas d'appartement. Donc, si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul en plan là-bas avec eux? Je sais pas quoi leur dire, moi. Ça fait une heure que je me concentre là pour essayer de trouver quelque chose à raconter. Et je suis parti avec beaucoup de bonne volonté. Hein. Je me suis même souvenu de deux ou trois anecdotes là qui nous avaient tellement fait rire à l'époque. Mais à part ça, rien. Moi, je veux bien meubler. De toute façon, on passe sa vie à meubler, ça me dérange pas. Mais pour dire quoi? Ça commence à devenir pénible pour tout le monde, hein, ces longs silences laborieux là. Lucide, Vincent Peillon sait bien que cette réunion, c'est le mariage de la carpe et du lapin. Comment veux-tu que Marielle de Sarnez tombe d'accord avec Robert Hue? Il n'y a que dans les contes de fées qu'une bourgeoise libérale peut épouser un nain de jardin prolétaire. En gros, on s'emmerde des fermes à Dijon samedi matin, oui. Du coup, heureusement que Madame J'en ai rien à cirer s'est pointée. Vous vous sentez seule? Non! Dégage! Tu vois ce que je veux dire? Moi non plus. Je ne me sens pas seule. La mayonnaise de Dijon, même les yeux fermés, on la reconnaît bien. Je pense qu'il y a une urgence. Donc il faut travailler, j'y travaille, je suis prête à y travailler avec tous ceux qui le souhaitent pour reconstruire un parti socialiste élargi. La mayonnaise de Dijon, un groupe comme celui-là. C'est la mayonnaise de Dijon. Oui, même à Dijon, la mayonnaise du front anti-sarkozyste n'a pas prise. Mais Vincent Peillon espérait tout de même faire illusion. Alors bien sûr, la moutarde lui est montée au nez dès qu'il a vu débarquer son ancienne madone, car elle allait évidemment lui damer le pion. D'ailleurs, Ségolène s'est immédiatement incrustée au déjeuner où ses petits camarades lui avaient préparé une table à part, juste à côté de la leur. Bonne ambiance. Mais Ségolène Royal ne s'est pas démontée, elle ne s'est pas assise, et elle s'est promenée autour de la table principale à la rencontre des invités. Et notamment, elle a fait connaissance avec la vice-présidente du Modem, Marielle de Sarnez. Une nouvelle amie, là aussi. Mais qu'est-ce qui te gêne dans le groupe? Mais t'es cinglé, tu m'attaques ou quoi? Merde, je veux dire... Mais je t'attaque pas. Écoute, il faut trouver une solution à ta solitude. Tu peux pas continuer comme ça. Écoute, on peut pas vivre toute seule éternellement. Trouver des solutions. Regarde-toi, enfin, t'es triste. Je suis pas triste, tout ça que t'as vu si ça. Si t'es triste. Moi, je suis très bien. Je dis, ça va, je suis pas triste. Mais vous êtes toute seule quand même. Mais alors, je veux dire, c'est pas... Pourquoi tu rigoles? Vous êtes con. Mais tu trouves ça marrant d'être toute seule? Ah, je trouve... Je veux dire... Non, mais excuse-moi. Qu'est-ce que tu as à dire? Je suis pas méchante, je veux ton bien, mais quelquefois on passe par effectivement des stades de méchanceté. Parce que quelquefois, bon, faut brusquer les gens. Et ainsi de suite, Ségolène s'est faite chambrer par toute la tablée. Mais bon, faut dire aussi que son arrivée impromptue en Bourgogne, là, c'était bien balourd, franchement. Heureusement pour elle, il y avait là tout de même au moins une connaissance non hostile, Jean-Louis Bianco, à qui d'ailleurs Ségolène a confié ses sentiments sur les différentes personnalités politiques présentes à Dijon. Puis entre les scouts, les picousés et les stars du X, c'est sûr que là, on nage dans le haut de gamme. Tu vas mal le prendre, mais là, je te trouve super snob. Hein. T'es dégueulasse de me dire ça. Puis ça te va bien. C'est pas moi qui vais naviguer avec le relais Château PD. Quand je te vois comme ça, là, j'ai des flashbacks de Paris qui me reviennent. C'est le retour de l'exécutive woman qui a le feu au fût. Ah bon? Bah tu sais quoi, moi, quand je te vois comme ça, ça me rappelle personne. Plus je me démène, plus ça merde. Je te jure, j'en ai ras le croupiou. Eh oui, malgré des apparences bravaches, Ségolène Royal en avait tout de même gros sur la patate samedi après-midi face à ce raz-de-marée de mesquinerie à son égard. Du coup, pour la réconforter un peu, Jean-Louis Bianco a tenté primo de lui passer la parole lors d'un atelier de réflexion. Elle a encore fait son numéro. Et ensuite, il est allé lui chercher une eau chaude auprès d'une militante socialiste. On a de la tisane. Hein? Martine? Il n'y a pas de tisane ici? De la tisane? Ben oui, de la tisane. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Non, il n'y a pas de tisane. On a un seau d'eau froide, si elle veut. Une tisane? Non, mais quelle excitée, celle-là! Mais elle a passé le repas, là, à se trémousser. La mayonnaise de Dijon, même les yeux fermés, on la reconnaît bien. Eh ben, décidément, il n'y a rien à faire. Même après cette réunion à Dijon, pourtant, l'Union de la gauche n'a toujours pas réussi à faire monter sa mayonnaise. Personne n'en est sorti grandi, loin s'en faut, ni les seconds couteaux devenus inaudibles, et encore moins Ségolène Royal, responsable de cette cacophonie à trois balles. Alors, devant autant d'enfantillage et d'inefficacité, on peut tout imaginer désormais pour reconstruire l'opposition y compris les attelages les plus improbables, donc. Mais oui, mais tu as trop raison. Tous ces grands groupes financiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent leurs pions. Un coup à droite avec Sarkozy, un coup à gauche avec Ségolène. Leur but, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire gagner l'un ou l'autre. Et qu'après, il y a un renvoi d'ascenseur. Eh bien, moi, je dis, il faut faire tout péter. Le système est tout. C'est comme l'Assemblée nationale. Il n'y a que des vieux de droite en costume cravate. Et voilà que ça discute des lois entre deux déjeuners. Et voilà que ça dort. Ils sont tous gros et moches. Eh bien, j'ai envie de tout faire péter. Waouh! C'est tellement bien de parler avec toi. Et tu portes quoi, là? Vas-y, dis, allez. Un t-shirt du Che. Bon, faut que je te laisse, François. Je vais m'attourner dans 20 minutes. Allez, raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Bon, alors à trois, on raccroche ensemble. Un, deux, trois. T'es encore là? Hé, Olivier, t'es encore là? Oh, c'est vraiment dommage que nos familles politiques ne veuillent pas qu'on se voie. On a tellement de choses en commun. C'est pas grave. On peut quand même continuer à s'appeler. Bon, allez, à tout à l'heure sur MSN, hein. À tout à l'heure. Leave, autrement dit, dégage. C'est ce que te propose Vivi Brown sur son premier album, sans doute un écho au Barnum socialiste de Dijon qui, évidemment, n'a pas déplu à tout le monde, dis donc. Elle a fait honneur à notre pays, pas simplement pour des raisons d'apparence extérieure, mais parce que, à l'intérieur de l'apparence, chacun a compris que c'est une femme qui a des convictions, une sensibilité, une humanité. Alors maintenant, après avoir senti dans nos naseaux monter les vapeurs de moutarde dijonnaise, il est temps à 11h29 de nous regarder le bout des doigts. Eh oui, parce que depuis lundi dernier, dans le terminal 2E de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, enfin Roissy quoi, est testé un nouveau procédé de contrôle aux frontières basé sur la reconnaissance des empreintes digitales. Un honneur fait aux doigts. Sur la base du volontariat, nous dit-on. Ouais, pour simplifier les formalités, tu parles. Alors, face à la haute technologie du flicage, cette semaine, les fantômes des voix de la radiodiffusion française étaient plus que jamais en quête d'identité. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions en quête d'identité. Alors, mercredi soir, un délégué du ministère est passé nous voir pour nous remettre à niveau. On désigne sous le nom d'empreinte digitale la reproduction des dessins de formes très variées que présente l'extrémité antérieure des doigts. Leur fixité au cours du temps est absolue. Depuis le quatrième mois de la vie intra-utérine jusqu'à la putréfaction du derme, on les retrouve semblables à elles-mêmes et il est possible de les identifier même si l'épiderme a disparu pourvu que le derme soit intact. Bien sûr, à la fin du cours, on a eu un contrôle sous forme d'exercice pratique. Comme promis, cette énorme histoire américaine d'homme sandwich, une américaine réclame $1 million de dommages-intérêts pour avoir trouvé dans un hamburger, un sandwich à la viande, tenez-vous bien, un doigt humain. Question, combien ce sandwich contient-il d'empreintes digitales différentes ? Et c'était donc Locard, le bavard, qui a levé le doigt en premier. Je vous dirais, mais ce n'est pas un sujet de conversation en public, qu'il y a des procédés extrêmement simples pour ne pas laisser d'empreintes digitales. Et je ne parle pas des gants. Les gants ne sont pas une protection, il faut bien le savoir. Mais il y a une façon de manier les objets où on n'étale pas ses dessins digitaux. Tout le monde voulait savoir comment ne pas laisser d'empreintes. Et Pierre Lerouzic s'est levé pour dire qu'il avait la solution. Est-ce que cette petite nouvelle maintenant, la dernière, se classe dans la rubrique médicale ? Ben, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que de New York, nous apprenons que le Times vient de publier ce matin une annonce vantant les mérites du premier appareil à se gratter le dos fonctionnant électriquement. Il s'agit d'une petite main artificielle installée à l'extrémité d'un manche de 45 cm et dont les 5 doigts grattent sous l'impulsion d'un petit moteur électrique. On n'arrête pas le progrès. Alors, le délégué du ministère de l'Identité a essayé de nous impressionner en retournant la mutinerie à son avantage. Jacques Chabot, une grave, très grave question. L'empreinte digitale a-t-elle vécu ? Eh bien oui, oui si l'on en croit un ingénieur américain. Il estime que la voix humaine reproduite sous forme graphique est un indice aussi sûr que les empreintes digitales. Il est bien évident qu'il n'y a pas deux voix humaines qui ont les mêmes courbes lorsqu'elles sont reproduites graphiquement. Et c'est à ce moment-là que son portable a sonné. Bonjour monsieur, je vous téléphone pour vous dire que ça y est, je suis un citoyen écologique. J'ai acheté une poubelle spéciale avec une partie plastique et une partie papier. Mais je ne sais pas où je dois la mettre. Pour mettre quoi ? Ma femme. Le délégué du ministère était tout retourné, au point qu'il s'est mis à douter de l'identification elle-même. La naissance de la police scientifique, il faut la resituer dans le mouvement scientiste de l'époque. Cette illusion, on est dans le monde de Jules Verne, que la science résoudra tout. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'obsession des pouvoirs publics, des pénalistes, des juristes, des policiers, c'est le multirécidiviste. Or, le gros problème, c'est que depuis qu'on a aboli la marque au fer rouge, en 1832, on est incapable d'identifier quelqu'un qui est déjà passé dans la machine judiciaire. Maintenant, on est en stage. Ça fait du bien d'être sur le terrain. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi ? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Non, mais on fait pas le point, là, on examine la trace. Ouais, ouais, c'est classe, cette expression. On examine la trace. Non, mais y a pas d'expression, on va examiner la trace là. Celle-là. Mais c'est quoi ça ? C'est des trucs avec des plantes, c'est ça ? Ah, moi j'y connais rien. La trace, là, va Dieu, le dessin, là ! Ah, mais ça ! Bon, à votre avis ? 3 jours, peut-être 4. Moi je dis 6 jours. 6 jours ? Non, c'est pas une trace qu'à 6 jours, ça. Ah, mais à la trace ? Je croyais qu'il fallait dire des nombres de jours. Bah, moi aussi. Bon, non. Vous pouvez la fermer ? Reste le doigt. Comment en est-il arrivé là ? Nul ne le sait, car personne pour l'instant ne l'a réclamé. Merci beaucoup, Flora Bernard. Comme chaque semaine, vous maîtrisez votre sujet sur le bout des doigts. Mais je vois que la pendule digitale de notre studio indique qu'il est maintenant 11h34, l'heure de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros-Boule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, il est grand temps de nous précipiter à Grosboule afin d'y retrouver nos valeureux héros. Monique, toujours sans vergogne, et Jean-Claude sanguinolent. Car aujourd'hui s'achève la semaine internationale de la solidarité et tu dois savoir que mercredi dernier, juste devant les locaux de l'entreprise où bosse Jean-Claude, un étrange camion blanc est venu stationner. Il s'agit d'une antenne médicale mobile et tous les employés ont été invités à assister à la projection vidéo d'un documentaire de sensibilisation. Bon, Jean-Claude, le dernier truc du genre qu'il a vu, c'était au lycée et il s'en souvient très bien. Ceci est un humain au repos. Il s'agit plus précisément d'une femelle. On reconnaît les femelles à leur longue crinière noire, à leur pis proéminent aux extrémités roses, à leur parfum d'orchidée sauvage, à leur nounours. Ceci est un humain mâle. Comme on le voit, il n'a pas de crinière ni de pis proéminent. On reconnaît le mâle à ses yeux rouges, à son poil au menton, à sa forte odeur de champignons macérés, à son absence de nounours. Dans l'obscurité, les femelles ont l'air plus belles. Dans le bruit, les mâles ont l'air intelligents. En se reniflant le cou, ils aspirent leur sueur mutuelle et découvrent le niveau d'excitation de leur partenaire. Puis la femelle entraîne le mâle vers son nid pour qu'ils puissent ensemble procéder à la cérémonie d'accouplement. Là, ils vont se déshabiller lentement, se caresser longuement, emboîter leur corps, puis s'agiter de manière spasmodique jusqu'à ce que la semence du mâle entre dans le réceptacle de la femelle. Écoute, voilà, merci. Bah, ouais. Ah, Jean-Claude ressent alors les mêmes émotions que quand il était adolescent. On lui avait expliqué comment la semence du mâle entrait dans le réceptacle de la femelle. Et il est aujourd'hui à nouveau tout oui pour écouter ce qu'on va lui raconter dans le camion blanc de l'antenne médicale mobile. Une histoire de semence, sans doute. On en a entre 3 et 5 litres dans le corps. Il transporte tous les éléments indispensables à l'organisme et aucun produit ne peut le remplacer. Aujourd'hui, nous allons parler du sang, ou plutôt du don de sang. Et pour subvenir aux besoins de ceux qui en manquent, il faut 8000 dons par jour en France. Alors d'abord, un petit rappel, Michel, qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Les vaisseaux sanguins d'un corps humain. Leur surface, 700 000 mètres carrés. Leur longueur, plus de 100 000 km. 7 fois le diamètre de la Terre. Et chaque jour, 100 000 battements du cœur pour propulser, mouvoir le sang qui y circule. Le sang, c'est-à-dire la vie. Ah, ben c'est ça la vie, s'écrie Jean-Claude. C'est une opération pour le don du sang. Formidable. Voilà une action nécessaire et sans conteste vitale dans notre société qui manque si souvent de solidarité. Mais très vite, Jean-Claude se rend compte de la réalité de la situation. Tous les employés, votre attention. Notre patron et guide bien-aimé est à l'article de la mort. Si vous êtes du groupe sanguin ou négatif, je vous supplie de vous rendre au camion de don du sang qui est dehors. C'est tout. Je lui filerai bien le mien, mais il y a un hic. Lequel? J'ai pas envie. Alors là, je vous suis pas les mecs. Voilà un être humain avec des milliards de dollars qui a besoin de nous, et vous, vous crachez dessus? Bande de ringards, c'est pour ça que vous restez coincés dans ce boulot minable. Eh oui, entre la guerre de récession ambiante et les réformes du moment, Jean-Claude comprend aisément que donner son sang pour son patron risque bientôt d'être une obligation inscrite dans le code du travail. Offrez votre sang, pas celui du voisin, vas-y continue. Pour ceux qui en ont besoin, car vous aussi un jour, pas vrai, oui. Vous pourriez en avoir besoin. Si vous avez un accident, on ne sait jamais. On sait jamais. Donnez votre sang, ne serait-ce que parce qu'il y aura une infirmière. Donnez votre sang. Et si vous avez peur des piqûres, assommez un proche et donnez son sang. Je compte sur vous. Mais donne ton sang. Ça, ce sera un bon plasma. Mais voilà. Après que le préposé en blouse blanche ait consciencieusement exposé à Jean-Claude combien l'établissement français du sang a besoin de dons pour sauver des vies, c'est décidé. Jean-Claude se rendra dans le camion blanc, mais seulement accompagné de Monique. Ainsi, cette semaine, Jean-Claude, accompagné de sa Monique donc, est entré dans le camion du don de sang avec beaucoup d'aisance, devant l'infirmière en blouse blanche. Ouais, c'est vous qu'il faut piquer, là? Non. Si, c'est lui. Non. Oui, c'est lui. Si, c'est toi. Allez, enlevez votre manche, là. Non, mais je préfère pas tout de suite, parce que là, je me sens pas très très bien. Oula, Il va pas nous tomber dans les pommes, là. Je suis pas bien, là. Hein? Allez, laissez-moi faire, je vais le ranimer, moi, le bouche à bouche, ça me connaît. Non, c'est bon, allez-y, piquez, c'est bon, pas de problème, allez-y. C'est drôle, ça marche à tous les coups avec les hommes, hein. Ouais, c'est... Oui, Jean-Claude a tout de même besoin d'un peu d'encouragement pour se faire piquer. Monique s'installe dans la salle d'attente pendant que Jean-Claude est conduit dans une petite pièce par l'infirmière. Elle lui demande de se mettre à l'aise, de s'asseoir dans un gros fauteuil et elle le pique avec la seringue. Évidemment, Jean-Claude ne sent aucune douleur, mais quand l'infirmière lui demande si tout va bien, comment dire, Jean-Claude accuse le coup. C'est la première fois que l'envie de boire du sang humain m'obsède à ce point. J'ai confiance en toi. Tu fais erreur. J'ai confiance en toi, je suis là. Ma famille et moi sommes différents de nos semblables. Nous avons appris à contrôler notre soif. Mais toi et ton auteur sont comme une drogue pour moi. Oula, va falloir se calmer là. D'autant que le médecin responsable des opérations de don du sang, face à autant d'agitation, déboule dans la petite pièce où se trouvent Jean-Claude et l'infirmière. Voyez! Tous ces seins-là, où est-il passé? Voyez les draps, voyez l'oreiller, voyez sa chemise, vous voyez quelque chose? De minuscules marques de piqûres à la base du cou. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Mes amis, c'est que je m'apprête à déclarer, va, je les crains ébranler les fondations de l'ensemble des principes médicaux qui vous sont chers. La créature à laquelle nous avons affaire, c'est... Un vampire? Que nous dites-vous là? Voilà, je vous dis, un vampire. Un vampire? Mais pas du tout, s'écrie Monique qui débarque dans la pièce. Cette infirmière n'est pas un vampire et encore moins un vampire, mais tout simplement une vampe qui s'attelle à séduire son Jean-Claude qui, de son côté, lui annonce que, fragilisé par son don du sang, il a failli céder. Oh, l'enfoiré, m'annoncer ça comme ça de but en blanc. Je sais même pas qui c'est, cette foutue pute en blanc. Une infirmière, non mais je te jure, ma faut qu'on t'opère, ça c'est sûr. Je verrai bien une ablation, sans tes couilles tu seras peut-être moins con. J'ai du rimmel plein les yeux, et en plus il pleut. Eh oui, il pleut, mais bon, la situation pour Monique n'est pas désespérée. Elle a récupéré son Jean-Claude qui a donné son sang, et donc il mérite bien un petit encas pour reprendre des forces. Car Jean-Claude le mérite amplement, surtout après s'être fait pomper son sang. Et d'ailleurs, Monique en profite en loose-dé. Nouvelle soupe à choups. Le plaisir de sucer. Voilà, la moralité de cette étrange histoire, c'est sans doute qu'en donnant son sang, il est possible de ressentir le plaisir très judéo-chrétien de l'altruisme. Car, comme on le dit à Santander en Espagne, tout ça, c'est une histoire de ressources. Tenez, ceci est mon sang. Et toi, Judas, tu ne manges pas? Je n'ai pas très faim. Tu trouves que ce qu'il y a dans ton assiette n'a pas l'air catholique? Bien. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h43, à l'heure de la messe, il est temps désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans son dictionnaire imaginaire, le châtiment qui compte triple pour Monsieur Julien Dugast, c'est la fessée. Car si tu l'ignores, sache que Madame Edwige Antier, ancienne journaliste de France Inter, devenue depuis députée UMP, comme quoi nous fournissons l'ensemble de l'échiquier politique, a proposé en début de semaine de faire voter une loi afin d'interdire la fessée. C'est surtout un joli coup de pub pour Edwige Antier, parce que franchement, on a du mal à comprendre quel est l'intérêt de légiférer là-dessus, tant cette loi semble inapplicable. Toujours est-il que notre facétieux reporter a bizarrement interprété ce débat sur ce châtiment corporel, et il est allé rendre visite à M. Alexandre Dupuy, spécialiste de la chose et l'auteur notamment d'une anthologie de la fessée. Ainsi, découvrons ensemble, juste après la virgule, l'esprit taquin de Monsieur Dugast. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot Wacht. Deux consonnes, une voyelle, fesse. Deux voyelles, une consonne, c. Ah tiens, fessé. Si on peut essayer d'expliquer aux gens qu'il y a d'autres façons, et de toute façon c'est jamais une réussite d'élever un enfant que lui taper dessus, allons-y. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pam pam cucu. Donc la fessée aux enfants, non. La fessée entre adultes consentants, oui. Quand on veut. Tout le temps, souvent. Plus souvent qu'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, si je me trompe ou si je n'arrive pas à vous satisfaire, alors n'hésitez pas à me punir autant que vous le jugerez nécessaire. C'est vous le patron. Dans la religion catholique, il y avait une violence physique où ils avaient un... Ils vivaient de toute façon mal leur corps, donc il y avait des châtiments corporels, mais auto-châtiments, quoi. Et je vous dis, il y a une clé où le libertinage, qui est d'abord un libertinage plutôt philosophique au 17e, devient un libertinage basé sur le sexe, avec Sade, Nercia, qui voit des sectes de gens qui s'intéressent qu'à la sexualité, enfin des choses comme ça. Ces gens-là se rendent compte que pour développer leur force sexuelle, la fessée, la flagellation n'est pas inutile. En particulier quand ça concerne les vieux aristocrates qui commencent à plus pouvoir faire tout ce qu'ils veulent faire. Et puis comme ça, elle rentre gentiment dans les mœurs sexuelles avec des hauts et des bas. Ne pense-tu pas qu'il faille sévir, qu'il nous faille corriger ce désobéissant, ce vilain rebelle. C'est-à-dire on va plus fesser en 1935 parce qu'il y a vraiment une société qui est très libérée qu'en 1915 parce qu'il faut qu'on tue de l'allemand et les allemands, la même chose, il faut qu'ils broient du français. Quoi. Il faut absolument le sortir. Ah oui, faut le foutre. Découvre-le. Si longtemps que j'aspire à l'entendre crier, fouette-moi, mortifie mes chairs, fouette, fais-le pleurer, c'est impudique, vas-y. L'homme et la femme sont pas égaux devant la fessée. L'homme et la femme sont pas du tout égaux devant la fessée, ils y vont pas pour les mêmes raisons. Paf, j'abattis sur elle une main vengeresse. Aïe, vous m'avez fêlé le postérieur en deux. Se plaignit-elle et je baissai le front piteux, craignant avoir frappé de façon trop brutale. La femme va faire la fessée. De façon, c'est un scénario, c'est une façon de jouer, peut-être d'attirer son homme, peut-être que c'est une demande de l'homme, peut-être que parmi ses charmes, c'est encore son derrière qui va avoir le plus de qualité. L'homme souvent va vers la violence vers lui parce que c'est un homme de responsabilité, parce que c'est un homme où on demande trop tout le temps, donc il se dit tiens bah... Je vais aller voir une copine ou une dame spécialisée, et puis je vais faire l'enfant pendant une heure ou deux. À l'heure où il y a une proposition de loi qui a été déposée pour interdire la fessée, je pense que peut-être il faudrait rétablir la fessée au Parti Socialiste. Ça ferait plaisir au moins aux 17 millions d'électeurs qui nous avaient fait confiance à la présidentielle et qui ne supportent plus ces guéguerres de personnes et le spectacle désolant que l'on donne parfois de nous-mêmes. Ouais, une bonne petite fessée de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça peut plutôt que faire du bien, quoi. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Bien. Alors décidément, la main fut à l'honneur cette semaine. Que ce soit la proposition de loi d'Edwige Antier ou ce fichu but marqué contre les Irlandais. Franchement, il y a des fessées qui se perdent. Cela dit, mercredi soir au Stade de France, nous n'étions pas loin de prendre une bonne raclée. Mais bon, heureusement, les Bleus ont un entraîneur qui casse la baraque et qui nous offre de fines analyses d'après-match, aussi bien tactiques que techniques. Venons-en maintenant au sport. Monsieur le Président, c'est un jour historique. Oui, bien sûr, c'était dans la douleur, mais l'essentiel est là. L'équipe de France est qualifiée, ils se sont battus vaillamment. Ah, j'ai le petit doigt cassé! Je pense à l'équipe d'Irlande qui a fait un très très beau combat. Fichons le camp d'ici avant qu'ils foutent le feu. Bon, les deux équipes étaient extrêmement proches. Je serais écorché vif avant d'avoir eu le temps de lever la main. L'équipe d'Irlande était très bonne en première mi-temps, mais les Français se sont battus avec beaucoup de détermination. Il s'est protégé! C'est pas prévu, il m'a cassé le petit doigt. Bon, on y est et on est content d'y être. Ça s'invente pas, ces choses-là. Quelles que soient les péripéties, l'essentiel, c'était quand même d'être qualifié. Pour se rattraper, ça va être dur. L'amour se fait défendu, vous êtes donc inconnu. Oh, cela ce petit joli petit bourgeon d'avril. Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu veut rattraper boiteux tout le temps perdu. Ah, rien de nouveau pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose. Ah, si les palétuviers te font en frétiller, je veux bien l'essayer. Ah, sous les pas. Je viens de ce pas, mais j'y vais pas à pas. Ah, suis-moi un peu tu. Je te suis pas têtu sous les grands palétuviers. Bien sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pattes, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds. Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor. Mais je veux tout oser pour un petit tout petit baiser. Un vertige m'éblouit, un baiser c'est exquis. Mais ma petite tout petit, je crains d'être pour lui l'objet du mépris. Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas dans mépris, car je suis très mignonne. Ah, mon cœur est aux abois, tu peux prendre mon roi, mon corps au fond des bois. Oh, viens sous les pas. Oh, je viens de ce pas, mais j'y vais pas à pas. Oh, suis-moi, veux-tu. Je te suis pas têtu sous les grands palétuviers. Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds. Près des arbres enchanteurs, viens goûter ces senteurs. Ce cocktail où se mêle le gingembre avec la cannelle. Oui, c'est l'effet du tropique qui me pique, pique, pique, pique. Je sens les muscadiers, je sens les poivriers, les bananiers. Le parfum des néfliers et des doux pistacheries de vos palétuviers tendres. Tous ces arbres tropicaux vous incitent béco. Allons-y, mon coco. Ah, viens sous les pas. Oh, je viens de ce pas, mais j'y vais pas à ce pas. Ah, suis-moi, veux-tu. Je te suis pas têtu sous les grands palétuviers. Viens sans sourciller. Allons gazouiller sous les palétuviers. Ah, oui, sous les pas, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais. Tu viens. Otot. C'était en 1974 la divine Marie Laforêt qui se baladait sous les palétuviers en compagnie d'Alain Veil qui avait ressorti de son carton le succès de l'entre-deux-guerres de la tout aussi divine Pauline Carton. Est-ce le chant du fufu ou l'odeur du poivrier ? Je me sens une autre femme. Honorine, viens sous les palétuviers. Sous les palétuviers ? Oh, vous en avez de ces mots. Alors maintenant, à 11h52, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, c'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors que dit la presse cette semaine, camarade ? Ah bien Philippe, cette semaine, la presse a été très heureuse de rêver à des valeurs sûres et de reluquer de vieilles reliques. Tout d'abord, le quotidien italien La Repubblica nous apprend que 2 doigts et 1 dent de Galilée viennent d'être retrouvés. Ah, on les pensait perdus depuis plus d'un siècle. C'est un collectionneur qui a acheté ces reliques lors d'une vente aux enchères. Ces doigts et 7 dents avaient été prélevés en 1737 lors du transfert du corps de l'astronome dans une tombe monumentale de la basilique Santa Croce à Florence. C'est génial. Ah, c'est beau, hein, un retour aux sources qui tombe bien puisque 2009 est pour les Nations Unies l'année de l'astronomie. Et justement, c'est pour commémorer la première utilisation au XVIIe siècle d'un télescope par Galilée qui a donc retrouvé ses 2 doigts. Ah, pop, excusez-moi Philippe, j'entends une remarque. C'est Jean-Mimi à Saint-Étienne qui vient de dire à côté de son transistor que le goal, il est dans les vapes quand on tire avec 2 doigts. Non, alors là, je dis stop. Stop, ça suffit. On n'en peut plus de la litanie sur le match de football entre la France et l'Irlande. Et c'est vrai. Ah oui, non, mais déjà, on avait dû se taper pour le match aller, vous vous souvenez, hein, tous les jeux de mots possibles avec le nom des 2 pays. Ah oui, ça. Ah, c'était le match Air France. Ou encore, ah, c'est la France qui prend l'air. Bon, et voilà. Le trou d'air aussi. Le trou d'air. Bon, non, mais c'est vrai, il y en a. Hein, ça va. Maintenant, c'est surenchère, hein, avec tous les jeux de mots puisés dans le champ lexical de la main. Alors stop, hein, point trop d'infos. Surtout qu'avec un bon dictionnaire, on trouvera la liste des expressions avec le mot main. On pourra les recycler comme ça, être pris la main dans le sac, ne pas rentrer les mains vides. Il y en a pléthore. Bon, bien sûr, bon, faut le dire, nous à la panique, on aime bien les jeux de mots. Oui. Hein, on aime bien ça, on va pas dire le contraire. Mais pitié, hein, évitons les jeux de mots clés en main, quitte à faire des jeux de mollets. Voilà, c'est fait. Alors, Philippe, cette histoire de main qui déchaîne les passions et qui fait bouger les masses, ça laisse surtout songeur, je trouve, moi. Ça doit beaucoup faire sourire nos élites dirigeantes et nos grands patrons qui, eux, font main basse sur le code du travail, qui broient des existences entre leurs mains sans être jamais sifflés par l'arbitre. Mmh, et ça, ça déclenche pas de polémique. Oh, encore une auditrice qui nous écoute. Une remarque, c'est Séverine qui nous écoute à Bugueles, en Bretagne, qui vient de dire à côté de son transistor que c'est normal parce que ben, c'est eux l'arbitre. Oui, c'est sûr, ils ne sont pas sifflés. Voilà, oui, c'est sûr, parfois il y a de quoi être en colère, mais il faut tout de même faire attention, Philippe, à la cause de sa colère. The Daily Mail, cette semaine, nous raconte en détail l'horrible histoire de Brian Thomas, âgé de 59 ans, qui en juin 2008 a étranglé son épouse, Christine, 57 ans, alors qu'ils passaient en amoureux leurs vacances en camping-car dans l'ouest du Pays de Galles. En pleine nuit, ah, c'était terrible, Brian a fait un cauchemar. Dans un demi-sommeil, persuadé qu'un malfaiteur était dans son camping-car, il s'est jeté sur Christine et l'a étranglée. C'est monstrueux. Alors, le parquet chargé de l'affaire vient d'annoncer l'abandon des poursuites contre Brian. Hein, parce qu'après cette terrible histoire, il a besoin de se reconstruire et de récupérer. Ah, une remarque encore d'un auditeur qui, lui, ne veut pas être récupéré. C'est Marcel qui nous écoute en direct du cimetière de Lourmarin dans le Vaucluse. Et qui compte bien y rester. Ouais. Hein, voilà, non mais Philippe, c'est la mode hein, de ressortir du chapeau les figures majeures et les intellectuels du passé, sans doute pour tenter de dissimuler les manquements du présent. Hey. Et le quotidien François nous livre ce week-end les brillantes analyses sociétales d'un homme qu'il était effectivement urgent de faire revenir, Jean-Claude Bourret. Magnifique interview. Vous saviez ce qu'il est devenu là, Jean-Claude oui, Bourret? Je crois qu'il est chez les gendarmes. Ouais, hein, il est conseiller du directeur de la gendarmerie. Hey. Alors à la question « Quels sont vos projets ?», il répond « Publier un livre sur la bête du Gévaudan et participer à une émission des frères Bogdanov. » Bon voilà, une vraie cohérence dans ses choix. Alors Philippe, je vous l'annonce, hein, il est toujours aussi gaga des ovnis. Au passage d'ailleurs, il nous livre quelques réflexions venues d'un autre monde. Pour faire baisser la délinquance, ça ne dépend ni des politiques ni des gendarmes, mais des parents. De Dieu, une bonne guerre, ce sera parfait. Voilà, sur la grippe A, pas de vaccin. Pour lutter contre la grippe, il suffit de se faire des pulvérisations d'eau de mer dans les narines. À tous les coups, ça tue le virus. Voilà, merci beaucoup Jean-Claude. Bon, moi je dis rien de tel que les remèdes de grand-mère, hein, quelques pchites dans les narines. Et puis évidemment, des bons gros grogs pour ressembler à Jean-Claude. Bourré. Voilà, donc tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. C'est ce que nous disait Jean-Paul Sartre. C'est dans les mains sales. Merci Mauduit pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 180e épisode. Tout le monde est sans, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux de la panique au Manche à Palace. Une émission coécrite à les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Sandrine Laurent et de Philippe Duclos, merci beaucoup à vous deux. C'était parfait comme d'habitude. Et pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de Lina et à Aloïs Riard, notre stagiaire. Et enfin, merci à vous, car vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter le dimanche matin. C'est fou, nous sommes même un peu dépassés par la chose, mais vous êtes formidables. Merci encore. Et puis, un dernier mot, en mémoire de Chris, qui nous a quittés cette semaine. Ce départ cruel de notre voisine d'antenne nous attriste profondément au Mangin Palace. Dorénavant, elle siégera au Panthéon des ondes, à Chris, Radio France reconnaissante. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouverez Marie-Pierre Planchon pour une émission spéciale entièrement consacrée à Chris, évidemment. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour la cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique. Et dimanche prochain, toujours à 11h en direct de France Inter pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.